Salut à toi, je suis Bastien et on va enfin commencer mon premier podcast dans lequel je vais t'expliquer comment créer un e-book en une semaine. Alors, on va faire ça en trois étapes. D'abord, je vais t'expliquer ce qu'est un e-book. Peut-être que tu ne sais pas ce que c'est et c'est un format un peu spécial. Ensuite, je vais te montrer comment écrire un e-book et le vendre. Et enfin, je vais t'expliquer comment trouver du temps dans ta semaine et comment être efficace durant le temps que tu as trouvé pour rédiger cet e-book. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier point. Qu'est-ce qu'un e-book ? Alors, le format d'un e-book, c'est numérique. Donc, un e-book, par définition, c'est uniquement au format numérique. Ça peut être lu sur plusieurs supports, comme un ordinateur, une tablette, même un téléphone. Et aussi, il y a des liseuses spéciales comme la liseuse Kindle de Amazon. En général, un e-book, lorsque c'est uniquement e-book et pas un livre physique qui a été ensuite converti en e-book, c'est entre 50 et 100 pages. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire en une semaine. T'imagines bien que tu vas pas écrire un e-book de 400 pages comme le ferait un auteur best-seller en plusieurs mois. Donc, on va se concentrer sur des e-books petits, mais tu verras qu'il y a beaucoup plus d'avantages à faire des e-books plus petits plutôt qu'un gros e-book de plusieurs centaines de pages. Ensuite, les plateformes pour vendre ton e-book. Alors, tu peux le vendre sur Amazon, que ce soit sur Amazon normal ou sur Amazon Kindle. Je te conseille de faire sur Amazon normal parce qu'en général, quand tu publies uniquement sur Kindle, après, Kindle a l'exclusivité et du coup, tu ne peux pas publier sur d'autres plateformes et ça limite ta visibilité. Donc, tu peux faire sur Amazon, sur la Fnac avec Kobo, donc qui est la partie e-book de la Fnac. Mais les clients achèteront sur la Fnac directement. Toi, c'est juste le côté éditeur, le côté publication. C'est via Kobo. Et enfin, sur Apple Book. Donc, ça te permet de vendre à tous les possesseurs d'iPhone ou de produits Apple. Donc, c'est assez pratique parce que l'application Apple Book est directement installée sur les iPhones, par exemple. Du coup, ça te donne tout de suite une assez grosse visibilité lorsque tu arrives à publier sur Apple Book. Maintenant, je vais te parler des avantages qu'il y a à créer un e-book. Donc, tout d'abord, c'est rapide à faire. Une cinquantaine de pages, ça peut se faire facilement en une semaine. C'est gratuit à publier aussi. Tu ne vas pas payer un éditeur ou tu ne vas pas payer l'impression du livre. Tu as juste à créer le contenu et ensuite tu le postes en format numérique sur les plateformes comme si c'était un PDF. Et ça y est, le livre est publié. Il n'y a pas besoin de payer pour qu'il soit produit. Du coup, j'en viens tout de suite au point suivant qui est l'autopublication. Tu n'as pas besoin qu'un éditeur valide ton e-book et décide de le publier. Tu peux le publier toi-même. Donc ça, c'est un avantage car nombre de personnes veulent publier des livres mais n'arrivent pas à trouver de maison d'édition pour le faire. Donc le fait de le faire soi-même, ça te permet d'être beaucoup plus libre et de gagner déjà énormément de temps. Et en plus d'être sûr que ton e-book sera publié. Ensuite, c'est un format qui peut se lire partout. Donc comme je t'ai dit, ça peut être aussi bien sur ordinateur que sur téléphone. Donc ton client pourra le lire de chez lui sur une tablette dans son lit par exemple, comme il pourra le lire dans les transports en commun sur son téléphone. Donc ça en crée quelque chose de beaucoup plus pratique et beaucoup plus nomade qui est de plus en plus recherché par les clients. Également, il est rapidement publié. Moi, je l'ai fait en une semaine, ça m'a pris ensuite une journée pour le publier sur les différentes plateformes, sachant que c'était mon premier e-book et qu'il fallait que je fasse toutes les démarches fiscales, toutes les démarches pour recevoir de l'argent, etc. Donc franchement, c'est très rapide à publier. Et une fois que tu as fait toute la paperasse, toutes les démarches du début, ensuite tu as juste à créer les autres, les suivants, et ça s'envoie très rapidement. Maintenant, je vais te parler aussi des inconvénients, parce que c'est pas tout rose un e-book, c'est pas le produit miracle. Donc j'en ai trouvé trois. Le premier inconvénient, c'est qu'il y a plus de concurrence. Forcément, c'est une autopublication, c'est un format numérique, donc beaucoup plus de personnes peuvent se publier soi-même, et donc tu as forcément beaucoup plus de concurrents. Le deuxième inconvénient, c'est que forcément, c'est moins crédible qu'un livre physique. Parce qu'un livre physique, tu te dis qu'une maison d'édition a lu ce livre, l'a validé et a accepté de le publier en son nom. Donc forcément, ça apporte plus de crédibilité et dans l'inconscient collectif, un livre physique vaut encore plus qu'un livre seulement numérique. Et du coup, j'en viens au troisième inconvénient, c'est que forcément, tu vas devoir le vendre moins cher. Évidemment, un livre où tu ne dois pas payer la production, un livre où tu ne dois pas payer tout ce qui est maison d'édition, ça se vend moins cher. Mais l'avantage là-dedans, c'est que du coup, il est plus accessible aux personnes, comme il est moins cher, et tu peux te faire plus de marge. Par exemple, sur Amazon et sur la plupart des plateformes, tu te fais 70% de marge par e-book vendu, à condition de mettre un prix entre, je crois, c'est 1€ à 10€. Tu ne peux pas mettre au-delà. Si tu veux mettre au-delà, tu n'as plus que 30% de ce que ça te rapporte. Mais je te conseille de mettre aux alentours de 6€, 7€ lorsque tu publies un e-book de 50 pages. Donc voilà, maintenant tu vois un peu plus ce qu'est un e-book, donc sa forme, son fonctionnement. Et on va passer au deuxième point qui est comment écrire cet e-book et le vendre. Donc tout d'abord, pour créer un e-book, il faut choisir un domaine que tu maîtrises. Alors moi, j'avais fait beaucoup de recherches et je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui est productivité, création de business. Et c'est ce que j'ai vécu aussi, étant apprenti ingénieur. J'ai des semaines assez remplies de à peu près 40 heures par semaine. En parallèle, je vais à la salle de sport tous les jours. Donc ça me prend encore une heure et demie. Donc j'ai des semaines bien remplies. Et pourtant, j'arrive à créer un contenu comme ça, à créer un e-book. Donc il faut trouver un domaine que tu maîtrises. Comme moi, j'avais choisi la productivité et la création de business. C'est pour ça que je te dis tout ça. C'est le premier e-book que j'ai écrit, c'était là-dessus. Parce que c'était un domaine que je vivais et que je maîtrisais du coup a fortiori. Alors, pourquoi il faut que tu le maîtrises? Parce que si c'est des faits vérifiables, il faut que tu aies des sources sûres, il faut que tu donnes des informations qui sont vraies, car forcément, ton objectif, ce n'est pas de tromper ton lecteur, ou alors, encore pire, de perdre toute ta crédibilité avec des faits qui sont faux et facilement vérifiables. Donc ensuite, il y a aussi le fait que 50 pages, ça peut ne paraître pas énorme, mais si tu veux écrire 50 pages en une semaine, crois-moi, il faut que tu maîtrises ton sujet, parce que tu vas vite te retrouver avec le syndrome de la page blanche si c'est pas un sujet que tu maîtrises au minimum. Et enfin, oui, j'avais écrit « Engager ta crédibilité », car forcément, il faut pas raconter n'importe quoi, car si tu racontes n'importe quoi dès ton premier e-book, déjà tu vas pas le vendre et en plus tu vas très vite arrêter ton activité d'auteur. Donc voilà, ça c'était la première partie, choisir un domaine que tu maîtrises bien. Ensuite, il faut que tu fasses le plan. Donc le plan, moi j'utilise les mind maps à peu près pour tout en fait. J'utilise les mind maps que ce soit pour le plan de ce podcast, là j'ai une mind map sous les yeux pour m'aider, que ce soit pour un e-book, que ce soit pour des formations, que ce soit pour des articles. J'utilise des mind maps pour absolument tout, c'est un outil formidable. Alors, une mind map, qu'est-ce que c'est? Imagine que tu fais un brainstorming, tu écris au centre de ta feuille ton sujet principal, et ensuite, tu vas créer des branches qui partent de ce sujet principal vers des sous-sujets, et eux-mêmes vont être divisés en sous-sujets, avec des exemples, etc. Tu vas pouvoir faire des relations avec des flèches, et ça va te permettre de faire soit un plan, soit un brainstorming tout seul, du coup, très rapidement sur un sujet. Et ça va t'aider à développer énormément d'idées rapidement. Et en plus, après, quand tu voudras revenir dessus, tu auras tout visuellement accessible. En fait, c'est pas comme si tu écrivais un gros paragraphe ou alors une liste. Là, tu as des idées qui sont déjà structurées, déjà organisées. Et c'est très facile pour faire un plan. Là, par exemple, pour le plan de ce podcast, j'ai le sujet principal, créer un e-book en une semaine. Ensuite, j'ai la première branche, qu'est-ce qu'un e-book? J'ai la deuxième, comment écrire un e-book et le vendre? Et la troisième, c'est comment être efficace et trouver du temps. Ensuite, ces branches ont des sous-branches pour donner la structure de ce que je vais te parler dans ce sous-sujet. Et il y a aussi encore des sous-branches pour donner des exemples. Donc c'est très facile après pour moi de structurer mon propos en fonction de cette mind map. Et c'est ce que tu vas rechercher à faire pour ton e-book. Plus tu vas détailler ton plan, et plus ce sera facile de rédiger. Il faut que dans ton plan, tu aies déjà forcément les titres. Il faut également que tu aies les sous-chapitres, donc des sous-titres. Et enfin, il faut que tu aies des idées d'exemples à chaque fois. C'est très important. Et les notions aussi. Très important, les notions les notions dont tu as envie de parler dans ce chapitre. Donc voilà, la mind map te permet d'être assez détaillé, assez clair avec toi-même. Et ça va être beaucoup plus simple après de rédiger car tu auras juste à faire des phrases en fonction des idées que tu as notées. Donc je te conseille vivement de te renseigner pour utiliser cet outil, les mind maps. Moi par exemple j'utilise le logiciel Xmind, donc je suis pas sponsorisé ou affilié ni rien. C'est juste un logiciel formidable que j'utilise qui est leader dans le domaine des mind maps et qui est gratuit. Tu auras juste besoin de le payer si tu veux exporter ta mind map en PDF ou autre format, mais pour l'utiliser pour un usage personnel, tu n'as pas besoin de payer, la version gratuite est déjà largement suffisante. Tu peux faire énormément de choses. Ensuite, une fois que tu as détaillé non seulement ton objectif, mais aussi ton plan, il va falloir que tu écrives à un rythme régulier. Donc je te conseille d'écrire 10 pages par jour. C'est pour ça que c'est important de détailler le plus possible ces idées, pour pouvoir ensuite écrire rapidement. Donc si on reprend l'idée de l'écrire en une semaine, le premier soir, tu vas faire le plan. Donc les chapitres principaux, les sous-chapitres, les notions et les exemples. Et ensuite, il va te rester 6 jours. Donc tu vas écrire 10 pages par jour pendant 5 jours. Et le dernier jour sera pour la publication de cet e-book. Tu auras enfin écrit ton e-book en une semaine. Donc il faut être régulier et écrire 10 pages par jour pour atteindre les 50 pages. Bien sûr, si tu as le temps de faire un peu plus que 10 pages une journée, tant mieux. Mais n'en profite pas pour la journée suivante faire un peu moins. Continue de garder un rythme soutenu pour au cas où il y a un événement qui vienne perturber ton écriture. Et oui, voilà, la dernière notion que j'avais mise, c'était être régulier, car ça permet de créer des routines pour commencer plus facilement. Pardon. Ton cerveau marche beaucoup aux routines, et si tu es régulier et que chaque jour à la même heure tu te mets à écrire, ton cerveau va automatiquement anticiper le fait que tu vas écrire, et tu vas être beaucoup plus rapidement dans cette ambiance d'écriture. Donc voilà, c'était comment écrire un e-book, et maintenant pour le vendre, alors là ce sera pour le dernier jour, une fois que tu as écrit tout ton e-book, tu vas devoir soit l'exporter au format e-pub. Pardon, je t'ai pas dit sur quel support tu pouvais écrire ton e-book, mais ça, je pense que tu l'as imaginé. Tu peux le faire sur Word, ou si tu es sur Apple, tu le fais sur Page, peu importe. Mais juste un éditeur de texte comme Word fait très bien l'affaire. Et je te conseille, lorsque tu fais la structure, c'est d'utiliser une table des matières et d'utiliser les styles en haut. En fait, les styles sont... au lieu de toi manuellement changer la taille de police, tu cliques sur titre 1, titre 2, titre 3 et ça créera une structure qui sera enregistré par Word, sur le fichier Word, et ça te permettra de l'exporter également, et du coup, ce sera beaucoup plus simple pour la mise en page. Alors, une fois que tu as écrit sur Word, c'est au format doc ou docx, et tu vas l'exporter, tu vas le convertir en e-pub. Alors ça, tu peux le faire avec des convertisseurs en ligne, t'as juste à taper sur Google « convertir Word en e-pub ». E-pub, c'est comme le PDF des e-books, en fait, c'est le format universel qui sera accepté par tout support de e-book. Mais il y a des plateformes comme Amazon, Amazon Kindle ou Amazon qui acceptent le format Word et qui convertissent eux-mêmes. Donc, pour le vendre, il faut que tu crées ton e-book, pas forcément au format e-pub, mais il faut que ensuite tu fasses les démarches. Donc, tu écris aussi sur Google vendre son e-book sur Amazon, etc. Et tu peux le vendre sur Amazon, Kobo, Apple Book. Donc voilà, c'est les trois principales plateformes pour vendre un e-book. Tu as juste à exporter, à créer une couverture si tu veux, mais Amazon te propose même un outil pour créer les couvertures. Alors tu peux faire toi-même ou utiliser cet outil, pardon, c'est à toi de voir. Ensuite c'est juste des démarches où tu dois rentrer ton numéro fiscal, tes identités bancaires, donc RIB, etc., IBAN, et ça va te permettre ensuite de très facilement vendre ton e-book. Donc Amazon est la plateforme qui valide le plus rapidement les e-books. Moi, 2 heures après, il était validé et publié. Il va falloir que tu fasses aussi une petite description. Donc ça, tu prends les premières pages de ton e-book. C'est pas compliqué. En général, le e-book, le format, c'est au début une préface, donc présentation de l'auteur. Ensuite, première partie, deuxième partie, troisième partie, et enfin conclusion. Tu peux rajouter une note d'auteur à la fin, mais tu as toujours au premier abord une description et une présentation du e-book que tu peux copier ensuite pour avoir la présentation Amazon. Donc oui, je disais Amazon, c'est la plateforme la plus rapide pour valider ton e-book. Ensuite, Apple Books a mis un peu plus d'un jour à valider mon e-book. Et enfin, Kobo a mis au moins 3-4 jours. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait un jour férié entre-temps, mais Kobo a mis beaucoup plus de temps. Donc Amazon, c'est la plateforme la plus rapide. Après, si tu peux faire les trois, autant faire les trois. De toute manière, ton e-book est produit, donc autant le partager le plus possible. Et enfin, nous allons voir comment être efficace et trouver le temps pour rédiger cet e-book. Donc pour être efficace et trouver le temps, il faut voir ça comme un challenge. Donc c'est pour ça que je te dis le faire en une semaine. Parce que si tu te donnes trop de temps, forcément tu vas être beaucoup moins efficace, tu vas te dire j'ai le temps, je le ferai plus tard. Ou alors tu vas travailler beaucoup plus lentement et c'est pas ce que tu as envie de faire en fait. Tu as envie de pouvoir rapidement produire quelque chose pour ensuite passer à un autre produit que tu crées ou alors une autre activité. Donc toujours voir ça comme un challenge et du coup s'imposer des contraintes. La première contrainte, c'est la deadline. Donc là, tu te poses une deadline d'une semaine pour créer ton e-book. C'est largement faisable. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça prend pas énormément de temps chaque jour. Certes, c'est assez conséquent mentalement parce que tu es concentré à fond, mais c'est faisable, largement faisable. Donc aussi, il faut que tu t'imposes des objectifs intermédiaires. Comme du coup à chaque jour un nombre de pages à écrire, comme je disais 10 pages c'est le mieux, comme tu as 5 jours et 50 pages à écrire, tu écris 10 pages par jour. Et les objectifs intermédiaires te permettent non seulement de te motiver avant de commencer ton travail, mais en plus de savoir ta progression, savoir à peu près où t'en es. C'est très important d'avoir des objectifs mesurables pour pouvoir voir ta progression. Ensuite, je te conseille d'utiliser la méthode du deep work pour travailler. Donc la méthode du deep work, c'est une manière de travailler où tu es 100% concentré sur ta tâche. Tu n'es perturbé par rien d'autre. Tu n'as même pas ton téléphone à côté de toi pour répondre à des messages ou quoi. C'est vraiment, tu es focus sur ta tâche. Donc pour ça, il faut que ton bureau soit dégagé. Il ne faut pas que tu aies de distraction. Il ne faut pas que tu puisses être distrait par quelque chose. Tu as envie d'être disponible à fond pour ta tâche. Et déjà, ça te fait gagner beaucoup de temps. Parce qu'au lieu de faire plusieurs choses à la fois moyennement pendant 3 heures, tu vas faire une chose à fond pendant une heure et tu auras fait la même quantité de travail. Ça te permettra d'être tranquille ensuite et de profiter vraiment de ton temps libre. Donc, je te conseille de faire du deep work. Pour faire du deep work, tu peux te renseigner sur Internet. Je ferai peut-être un podcast plus tard sur comment bien mettre en place cette méthode. Et une application que je te recommande pour te concentrer, c'est Brain FM. Parce que c'est une application qui diffuse de la musique sans parole et qui te permet d'être 100% concentré. C'est une application gratuite pardon, pour les 5 premières sessions, après ça devient payant. Mais c'est très utile. Elle m'aide énormément pour la production, ça libère ma créativité en fait. Et sinon, si tu n'as pas envie d'utiliser cette application, tu peux écouter de la house, la musique house. L'important c'est que ce soit une musique sans parole, et qui soit plutôt soit entraînante, soit calme, tout dépend si tu veux être apaisé ou excité, mais la musique house peut être une bonne alternative. Et enfin, je te conseille de définir des blocs de temps. Donc c'est-à-dire qu'à l'avance, tu vas choisir chaque jour à quelle heure tu vas travailler en fait. Donc je te conseille de faire des blocs de 30 minutes à 1h30 maximum, parce que ton cerveau ne pourra pas être concentré à fond pendant plus d'1h30. Et le fait de créer des blocs de temps, ça va te permettre non seulement d'anticiper, mais en plus de prévoir la charge de travail que tu feras chaque jour. Donc tu pourras adapter par la suite. Mais au début, par exemple, si tu choisis de faire 1h à 1h30 tous les jours, eh bien tu sauras qu'en 1h ou 1h30, tu dois faire 10 pages. Si le premier jour, tu te rends compte que tu fais 14 pages, ou à l'inverse que tu fais que 6 pages, bah, tu peux adapter pour la suite. Au lieu de faire une séance d'1h30, bah tu fais une séance d'une heure et demie plus une séance de 30 minutes, on va dire, un peu plus tard. Ou alors, à l'inverse, si c'est largement faisable pour toi, tu peux tout simplement continuer de garder une heure et demie, mais comme ça, tu auras fait ton e-book en 5 jours au lieu d'une semaine. Donc ensuite, c'est à toi de voir, mais je te conseille vraiment de faire des blocs de temps. Ça te permet d'anticiper et de savoir à quoi va ressembler ta semaine, donc au niveau du travail, et aussi du coup pour évaluer ta progression quotidienne. Alors voilà, on a fait le tour pour la création d'un e-book en une semaine. J'espère que je t'ai motivé à écrire un e-book. Je t'ai montré que c'était accessible à tous. N'importe qui peut écrire un e-book du moment qu'il a un domaine qu'il maîtrise plus ou moins. Après, tout dépend de toi, mais si tu veux rester crédible, écris un e-book dans un domaine que tu maîtrises. Et notamment, un e-book sert aussi à apporter de la valeur aux gens. Donc, essaye de le faire le mieux possible et d'apporter le plus de valeur aux personnes qui vont lire ton e-book. Donc voilà, si tu veux retrouver des conseils quotidiens, j'ai mon blog businesstester.fr, tout attaché, sur lesquels tu peux retrouver des conseils en business, en investissement, également en mindset et aussi en santé. Parce qu'un entrepreneur met souvent sa santé de côté, mais c'est la base de son activité en fait, c'est la base de son énergie. Également, j'ai des mails privés dans lesquels je donne du contenu exclusif et quotidien également, ainsi que des bons plans pour devenir meilleur chaque jour. Et enfin, j'ai des formations sur Podia, donc businesstester.podia.fr ou .com, je ne sais plus. Mais ça te permettra de découvrir plus en profondeur les notions dans lesquelles tu te retrouves et que j'aborde dans ce podcast. Donc voilà, sinon on se retrouve dans un prochain podcast qui parlera je ne sais pas encore de quoi, mais ce sera sûrement business ou investissement, ou alors productivité, que sais-je, mais j'espère que ça t'apportera de la valeur. Bonne rédaction d'e-book, salut!